en brac. Fusille le track, c'est Théo qui vous braque. Avec un mic, je fais des strikes. Si tu veux qu'on se tape, refrain, révise ta strat. Tu m'amas tout ou pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Prends l'instru comme une amorce, c'est coupé les tracks. Prends l'instru comme une amorce, c'est coupé, prends la track. L'instru comme une amorce, c'est coupé les tracks. Prends l'instru comme une amorce, c'est coupé les tracks. Le studio c'est le chantier, faut caler la plaque. Là j'ai porte un barbal, ici la haine est palpable. 3 8 0 pas un tox. Pro pro rêve de mettre mon skate dans brac. Fusille le track, c'est Théo qui vous braque. Avec un mic, je fais des strikes. Si tu veux qu'on se tape, refrain, révise ta strat. Tu m'amas tout ou pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Prends l'instru comme une amorce, c'est coupé le track. Le studio c'est le chantier, faut caler la plaque. Là j'ai porte un barbal, ici la haine est palpable. Je baisse la concurrence, je travaille pour la mif. On fait dans le mille, on fait du pif, faire du chiffre. Je suis un matou, moi tu m'as matou. C'est maintenant que tout part, toujours un coup bas. Quand le coup part, mon son représente mon état. Un son lance qui péta, avec ou sans un pétard. C'est 45, c'est prototype, c'est véridique. C'est un son anti-Schmidt, version Dix. On se tourne dans ma rue, dans ma ville, dans ma zone. Tour comme les stups, comme les filles, comme les gros. Tour dans les caisses, dans les chambres, dans les halls. Tour comme la thune, comme le chou, comme le monde. On se tourne dans ma rue, dans ma ville, dans ma zone. Tour comme les stups, comme les filles, comme les gros. Tour dans les caisses, dans les chambres, dans les halls. Tour comme la thune, comme le chou, comme le monde. Bouge tes serres, décale ton poule, cousin. Ouais, vas-y, fais de la place. J'ai la dalle, chien de la casse, avec plus rien à battre. Traverse à pied toute la ville, d'est en ouest. Croise une patrouille, le feu rouge, regarde froid, je fixe les mecs. Bataille d'appellation, la police garde ses questions. Le casse sur les oreilles, je fais tourner un gros son. Gangsta à l'ancienne, nouvelle génération. Sur fond d'insécurité, de radicalisation. Les réseaux sautent comme des mines, ils font tomber les têtes. On reste muet comme des tombes, on assume le prix des pertes. Ça tire aux effus, vente la calme sur terre-terre. À quoi ça rime, refrain, si tu sais très bien où ça mène. Enfin, c'est électrochoc pour l'électorat de droite. Écris une lettre au proc, si mes propos te dégradent, 5 heures du mat. Et j'arrive pas à dormir, le son tourne dans mon poste, dans mon quartier, dans ma ville. Le son tourne dans ma rue, dans ma ville, dans ma zone. Tour comme les stups, comme les filles, comme les gros. Tour dans les caisses, dans les chambres, dans les halls. Tour comme la thune, comme le chou, comme le monde. Le son tourne dans ma rue, dans ma ville, dans ma zone. Tour comme les stups, comme les filles, comme les gros. Tour dans les caisses, dans les chambres, dans les halls. Tour comme la thune, comme le chou, comme le monde. Le choc se fait sentir de ma ville jusqu'à la tienne. Tu rêves de trêve, c'est pas la peine, car les guerriers font pas la paix. Trois types sur le terre-terre, simple dans nos affaires. Notre attitude est exemplaire, pas comme ceux qui nous font plaire. Pas là pour plaire, des grosses rimes dans chaque couplet. Les faux dans l'écouteur ont bien senti tomber le couperet. On est tout près, de la coupée puis du trou d'air. Aime découper, là ils pleurent, dégoûtés quand les coups pleuvent. Écoute, irrémédiables sont mes problèmes. Handicapés sont les MC, le rap a besoin d'une prothèse. Je persévère, espérant que les miens prospèrent. Qu'ils agressent les imposteurs qui s'imaginent sur des posters. Moi je garde ça vrai, frère, peu de gars savait. Si beaucoup se perdent en se demandant que vais-je faire. Et j'espère pouvoir un jour me mettre à l'aise, pouvoir me mettre au vert, notre malaise le mettre à l'air. Le son tourne dans ma rue, dans ma ville, dans ma zone. Tour comme les stups, comme les filles, comme les gros. Tour dans les caisses, dans les chambres, dans les halls. Tour comme la thune, comme le chou, comme le monde. Le son tourne dans ma rue, dans ma ville, dans ma zone. Tour comme les stups, comme les filles, comme les gros. Tour dans les caisses, dans les chambres, dans les halls. Tour comme la thune, comme le chou, comme le monde. Dino S DJ l'acoustique. Prends ce qu'il a. Pas idée. Swing professor. Très très porte. Très porte. On est là. Et on y reste, cousin.